paroles et mots d'amour qu'on te promet. Pour un bel tiflet, quand t'aimais, les sentiments moins bail. Malgré sans rester mal vie en moins sans lit. Qu'on l'ombrage en moins, qui qu'à suivre, tout par moins, gâché rêve en moins. Mais elle est trop loin, moi qu'à chercher, fragilité, moi pas trouvé. Penser des mains, faut nous ciser, parler des rêves, on nous aider avant et trop tard. Il pas trop tard. Vini doucez-moi en des bras, rassurez-moi en les pouvoirs qu'autrefois. Qu'on sait ou pas jamais.